L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte aujourd'hui de l'association spécialisée en droit de la consommation ADC France. Et pour nous en parler, nous recevons Léa Didier en studio. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes juriste donc au sein de l'ADC France, une association qui existe depuis quand même quelques années, depuis 1979. Et oui, ça fait plus de 40 ans qu'on est dans le paysage lorrain et on a une action nationale maintenant. La défense des consommateurs en priorité. Voilà, exactement. Et c'est assez vaste en fait, puisqu'on a tout ce qui est logement. Et les litiges donc de consommation, donc les achats, que ce soit sur internet ou en magasin, les litiges avec les banques, avec les assurances, les litiges avec des artisans, les litiges sur les véhicules, les fournisseurs d'accès internet, l'énergie, enfin, c'est vraiment très très vaste. Vous êtes installé à Nancy, où ça Nancy? Alors on est au 3 rue Guerrier-Dumas à Nancy, près de la place Carnot. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement vaste les litiges dans lesquels on peut se retrouver. Mm-hmm. Comment vous fonctionnez? Donc on est une équipe de 3 salariés dans l'association, ça fait assez longtemps qu'on est là. On a l'habitude de faire des recherches, de fouiller un petit peu dans les textes de loi, et donc on renseigne gratuitement les consommateurs sur toutes ces problématiques. Donc si on a un problème avec son logement par exemple, on peut vous appeler? Oui, tout à fait. Un litige pour une non-restitution d'un dépôt de garantie par exemple, vous nous appelez, on va vous donner la marche à suivre pour faire respecter vos droits. Parfois c'est très compliqué quand on commence à avoir des litiges, ça peut durer très longtemps. Il peut y avoir des fois des solutions rapides à des litiges? Alors on n'a pas de baguette magique, c'est ça qui est un peu compliqué à faire comprendre à certaines personnes, parce que voilà, des fois il y a des gros problèmes financiers, des situations un peu... stressante. On sait aussi s'adapter. Si vraiment il y a quelque chose de très urgent, on peut essayer de voir peut-être une solution avec un avocat ou renvoyer vers un autre organisme. Mais voilà, si c'est un litige assez classique, on va prendre le temps de vous renseigner, de vous conseiller sur les démarches à effectuer et on pourra prendre le relais ensuite. Donc on peut vous appeler déjà, après comment ça se passe? On vient vous rencontrer Effectivement, par téléphone, on peut généralement vous renseigner. Mmh. Après, il y a parfois besoin de voir des documents. Quand c'est un litige d'assurance, par exemple, c'est assez complexe, il faut qu'on puisse lire les clauses. Donc là, on vous propose des rendez-vous. Ça peut être sur Nancy ou dans nos permanences en Lorraine. Parce que vous avez 6 antennes, je crois. Oui, tout à fait. On a Pont-à-Mousson, Lunéville, Varangéville, Golbey, Vittel et Nancy. Vous avez dit que vous étiez 3 salariés, comment vous faites? Vous n'êtes pas toute seule alors, vous avez des bénévoles. Non. Il y a beaucoup de bénévoles effectivement qui sont là pour nous aider, tant sur le juridique, on a des étudiants de la fac de droit qui viennent régulièrement à l'association, et puis des retraités qui viennent pour recevoir le public ou pour du travail administratif. Vous cherchez toujours des bénévoles? Ben, bien sûr. Bien sûr, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. En général, les personnes qui vous appellent, c'est quel genre de public? C'est un public d'adultes et ils nous appellent parfois pour leurs enfants, même majeurs, qui n'arrivent pas forcément à résoudre leurs problèmes. Ils appellent parfois pour leurs parents âgés qui se sont fait démarcher, qui ont souscrit des contrats un peu sans trop s'en rendre compte. On a effectivement toutes les catégories sociales, tous les niveaux de revenus. Enfin, vraiment, on aide un peu tout le monde, quoi. Donc, il y a cette partie essayer de régler les litiges, mais est-ce qu'en amont, est-ce que vous proposez des ateliers, des formations pour éviter d'en arriver à ces situations-là, pour pas se faire arnaquer en général, c'est le terme? Alors oui, depuis 2 ans, on met en place des conférences ouvertes au public, gratuites, et régulièrement, il y a aussi un avocat partenaire qui vient et qui intervient lors de ces conférences sur un point de droit précis, en fait. Donc, ça se passe où, ces conférences en général, un peu partout? Oui, on loue une salle, en fait, et puis sur Nancy, généralement. En mois de mars, on fera quelque chose sur Pont-à-Mousson, mais enfin, voilà, on essaye justement d'apporter l'information pour éviter les litiges. Avec certaines thématiques plus précises? Tout à fait. Par exemple, celle du mois de mars, vous avez déjà la thématique? Oui, ce sera principalement les achats sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, les nombres de litiges et d'arnaques possibles ont été multipliés par je ne sais pas combien avec, avec Internet. Mais oui, effectivement, parce que les escrocs sont là où il faut être, malheureusement. Donc, beaucoup sur Internet avec des sites fictifs. C'est-à-dire que c'est un site très bien fait, très beau, il n'y a pas de faute, avec un produit qui donne envie, qui n'est pas très cher. On se lance, on achète et en fait, y a rien derrière. Souvent, il y a aussi des modes, des litiges qu'on peut rencontrer, certaines arnaques qui arrivent d'un seul coup. On a parlé du compte personnel de formation il y a quelques temps dans les médias. On vient de sortir de la période des soldes. Il y a certaines périodes comme ça qui sont plus à même que d'autres amener des litiges? Il y a eu le Black Friday, à l'époque du Covid, du début du Covid, il y a eu beaucoup sur tout ce qui était masque, gel hydroalcoolique, etc. Vraiment, ils ciblent les besoins des consommateurs. Et vous devez vous adapter à chaque fois et rechercher, donc il y a toute une phase de recherche derrière. Oui, effectivement, on a deux personnes spécialisées à l'association qui savent faire des recherches, et on a une partie sur tout ce qui est arnaque en fait. Ça fait plusieurs années qu'on s'est spécialisé sur la partie arnaque. On a toute une liste noire de sites internet, notamment sur les faux placements financiers. Et voilà, on essaye de se mettre à jour et de prévenir au maximum les consommateurs. Vous engagez aussi des fois des démarches où vous représentez des consommateurs pour, devant la justice ? En justice, non. Mais pour les personnes qui adhèrent à l'association, on va intervenir auprès de leur adversaire. Vous avez un litige avec votre banque, vous avez écrit « la banque ne veut rien entendre », vous adhérez à l'association, on va écrire à la banque. Et là, on va effectivement... inclure des textes de droit, on va rappeler de la jurisprudence, enfin voilà, on va mettre en œuvre nos connaissances pour vous aider. Il faut savoir que si jamais on n'aboutit pas à l'amiable, avec l'adhésion, vous avez une consultation juridique gratuite avec un avocat partenaire. Ça permet de faire le bilan à la fin, de voir si une action est possible, combien ça vous coûterait, les chances de réussite avant de vous lancer éventuellement. Vous alliez engager une démarche contre le secteur de l'énergie, on va peut-être pas donner la marque, mais en quoi ça consiste ? En fait, il y a des consommateurs qui se sont retrouvés avec des contrats d'énergie indexés sur le prix du marché de gros. Donc, c'est des prix qui sont envolés. En fait, ils ont payé toute l'année, leur échéancier, ils ont payé 2000 euros sur l'année. Et quand arrive la facture de régularisation, ils se retrouvent à devoir payer à nouveau 2000 euros en plus. Et donc, nous, on a trouvé des failles juridiques et on va prochainement lancer une action contre cette société pour faire annuler les factures litigieuses. Voilà, donc vous recherchez des consommateurs qui auraient été confrontés à ce tout cas. Tout à fait. On a besoin d'être un maximum pour faire entendre notre voix. D'accord. ADC France est aussi un site internet. Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus comme information pour Oui, pour donc sur adcfrance.fr, vous avez des articles juridiques sur effectivement les problématiques généralement rencontrées. Et puis toute la partie arnaque financière avec justement les sites qu'on suspecte ou qu'on a découvert, avec notamment les numéros de téléphone utilisés pour appeler les consommateurs, les noms usurpés, etc. Donc ça, c'est vraiment à consulter avant d'investir. On a parlé rapidement des bénévoles qui s'investissent au sein d'ADC France. On a dit rapidement aussi que vous cherchez du monde. Alors comment on peut aider ? Parce que vous aidez les consommateurs, vous les accompagnez. Comment vous rendre un peu service aussi à ADC France ? C'est vrai qu'on a déjà une très belle équipe de bénévoles que je remercie parce que franchement, ils sont là tous les jours pour nous aider. Mais malheureusement, on a beaucoup de travail. Donc on a besoin de personnes. Alors même si vous n'avez pas forcément des connaissances juridiques, on a besoin de personnes qui sont capables de bien réfléchir, d'être à l'écoute. Donc on peut vous former et à ce moment-là, donc il y a toute une partie de réception du public, justement d'aide aux consommateurs. Et puis il y a la face un peu cachée, le travail qui n'est pas valorisé mais qui est nécessaire, c'est tout le travail administratif. On a des bénévoles qui viennent donc nous aider pour enregistrer les adhésions, enregistrer les dossiers, mettre sous pli. Enfin, il y a plein de petites choses à faire au quotidien. En fonction de vos envies, en fonction de vos capacités, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous serez intégré avec plaisir à l'équipe. Pour vous contacter, on peut se rendre sur le site d'ADC France, la page Facebook aussi, c'est ça ? Oui, on a une page Facebook, effectivement. Vous pouvez nous appeler au téléphone aussi, au 03 62 02 11 15. Nous envoyer un mail, contact@adcfrance.fr. Voilà, n'hésitez pas. ADC France, vous proposez également des permanences ? Oui, voilà, des permanences juridiques, la plupart sur rendez-vous depuis le Covid. Mmh. Vous retrouvez donc les heures et jours de permanence sur notre site internet. Il y en a à Nancy, il y en a à Pont-à-Mousson, Lunéville, Varangéville, Golbey et Vittel. Donc ce sont des personnes qui sont formées pour vous recevoir. Et l'intérêt, c'est que déjà, il y a du contact humain. Enfin, c'est bête, mais c'est important c'est quand important, même. C'est important, oui. Ils sont là, ils ont le temps de vous écouter, ils ont plus le temps qu'au téléphone. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez venir avec vos documents. Et c'est vrai que ça permet des fois de bien comprendre le litige. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à venir consulter nos bénévoles, parce que c'est avec grand plaisir qu'ils vous reçoivent. Et on rappelle que ADC France, c'est 3-5 rue Guerrier de Dumas à Nancy. Tout à fait. Également. Merci beaucoup. De rien. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.